بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran, il a créé l'homme, il lui a appris à s'exprimer. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Les herbes et les arbres se prosternent devant lui. Et le ciel, il l'a élevé bien haut, et il a établi la balance, afin que vous ne commettiez pas d'excès lors de la pesée. Donnez toujours le poids exact en toute équité, et ne faussez pas la pesée. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Quant à la terre, il l'a établie pour ses créatures. On y trouve des fruits, des palmiers porteurs de spadis, tout comme des grains dans leurs balles et des plantes aromatiques. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Il a créé l'homme d'une argile sonnante, comme la poterie. Il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Seigneur des deux levants et des deux couchants. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Il a donné libre cours aux deux mers, et elles se rencontrent. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? À lui appartiennent les vaisseaux fendant les flots et paraissant tels des montagnes sur la mer. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء Tout ce qui vit sur terre doit périr. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de gloire. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre l'implorent. Chaque jour, il exerce son pouvoir universel. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Nous consacrerons bientôt à vous, ô hommes et djinns. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Ya ma'shar al-jinn wal-ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtar as-samawati wal-ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ô ensemble des djinns et des hommes, si vous avez le pouvoir de franchir les zones des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous ne pourrez le faire que par un très grand pouvoir. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Des jets de feu et de cuivre fondus seront lancés contre vous, et vous ne pourrez pas y échapper. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Quand le ciel se fendra et deviendra écarlate comme le cuir rouge. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Ce jour-là, ni les hommes ni les djinns ne seront interrogés à propos de leurs péchés. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront saisis par le toupet et par les pieds. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Voici l'enfer que les criminels niaient. Ils feront le va-et-vient entre l'enfer et une eau terriblement bouillante. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ À celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Aux branches déployées. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Dans ces jardins se trouveront deux sources d'eau vive. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Il y aura de chaque fruit deux variétés différentes. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Ils seront allongés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء Ils y trouveront des femmes au chaste regard, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura touché. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Y a-t-il une autre récompense pour le bien que le bien lui-même? Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? مُدْهَامَّتَانِ هَاتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. En plus de ces deux jardins, il y aura deux autres jardins. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Ils sont d'un vert sombre. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Deux sources jaillissant abondamment s'y trouveront. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Ils seront pourvus de fruits, de palmiers et de grenadiers. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Et dans tous, il est de très bonnes et très belles. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Yeux noirs sur la blancheur, préservés sous leur tente. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Et qu'avant eux, nul homme, nul djinn n'aura défloré. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Accoudés sur de verts tapis et des splendeurs de fable. Alors vous deux, quel bienfait de votre Seigneur allez-vous démentir? Béni soit le nom de ton Seigneur, majestueux et vénérable.